font partie de la race des insouciants. Du genre qui n'a pas trop de préoccupations, pas trop d'obligations. Après, il y a ce qui me tient à cœur, ce que j'ai choisi. Et de petites cocottes, ma mère et mes potes. Ah bah bah, on s'en tient, mes potes. Ils ont tous quelque chose d'atypique, quelque chose qui pique. C'est pour ça que c'est mes potes. Mes potes ne font jamais preuve de panique quand une soirée capote. Quand t'es unique sans porte, c'est pour ça que c'est mes potes. Carl Polo, hystérique et un peu top top, casseur de chaînes sans limite. Même ça, ils supportent, ils ont beaucoup de mérite. Mes potes,